6409. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous. Présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 au 514 725 2024. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien? On va voir. Oh, wow! Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com. Le consommateur avisé fait très attention aujourd'hui à l'occasion de l'acquisition d'un bien précieux. Pour une voiture, on pense d'abord à Hyundai, la marque qui monte mondialement année après année, et on va à Hyundai Gabriel Anjou, le concessionnaire le plus fiable de la région métropolitaine de Montréal. Vous voulez avoir votre Hyundai? Parlez directement en français, anglais ou créole à Mardoché, Mounpanou, pour avoir leur juste quant au délai de livraison et votre admissibilité au crédit. Hyundai Gabriel Anjou, 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, 514-329-7777. Ici Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. Là, nous avons dans café nos mal, c'est gros douleur. Nous connaissons dentition chez. Le gouvernement canadien de Justin Trudeau a mis en place pour vous le régime dentaire. C'est pour les familles qui gagnent 90 000 $ et moins. Dans certains cas, vous n'avez rien à payer. Si vous n'êtes pas inscrit, appelez au 1-888-537-4342. Nettoyage, traitement de canal, extraction de dents, prothèse, tout est couvert. Avec ou map mâché. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM1410. Vous écoutez Regards, votre rendez-vous du soir avec l'actualité sur le 1410 AM. Le gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence sécuritaire dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, là où les gangs sont les plus actifs. La décision a été adoptée le 17 juillet en Conseil des ministres. L'annonce a été faite par le Premier ministre lors d'un message à la Nation que je vous invite à écouter. Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. Je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clair. Sont un sujet qui préoccupe nous toutes sans haute émotion. C'est causé insécurité. Groupe armé a taillé mandat sur presque 80% des zones métropolitaines et plusieurs autres côtés dans le pays comme pour la Tibonite. Groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie, chaque jour dans Port-au-Prince, tourne une bataille pour survivre. Famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si nous ne va à l'école encore, business, nous fermons les portes. Et l'hôpital avec de santé, nous abandonné. La rue capitale noire, Kounia a tourné champ de bataille. Côté un pile innocent perdu la vie et côté l'espoir qu'assemblée pour prête pour bouger en l'air. Groupe criminel Zayo Yo pa selman lage la troubay nan la vi chak jou, men yo afekte ekonomi peyi ta tou. Wout komes yo bloke, chen aprovizyonman yo perturbe, epi investiseur yo men yo telman dekouraje, yo pa interese met la jan nan biznis ankon nan peyi ya. Sa ki lage ekonomi peyi ya, an degraba. Sa kreye plus pauvreté ak chomaj, e lage kompatriyot nou, de bra pandye, sans espoir. Impact humanité à même, c'est pas mal. En pile milliers de monde qui te caillent pour être un refuge, soit car ils en ont, ou bien aux parents, et surtout nous, c'est ça, dans une série de abris provisoires qui chargent avec nous déjà. Car déjà, utilisés comme une âme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, c'est victime principale pour nous. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils ont été fait en bas de nos âmes. Zach Sayo, ils ont quitté ma physique et psychologie qui a duré longtemps, pas seulement sur les victimes directes, mais tout sur la famille et la communauté. Le système de santé, qui était déjà faible, il plaît à la victime de violence avec le monde qui a souffert à cause des effets directs de tout problème sérieux. L'insécurité alimentaire paraît clair. Avec le pourcentage de malnutrition qui a augmenté plus tous les jours. Situation tragique, ça, il plus grave avec un climat impunité côté justice, là, va être un rêve. Corruption avec la pérèse envahit l'institution. Qui fait les lignes plus difficiles pour l'autorité de répondre avec efficacité. La justice, il y a une grosse difficulté pour y appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé Sahel de continuer qu'un des peuples noirs en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de l'empire. Le mettre en sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce soir, je viens d'annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, pour le mettre en application, l'ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays, une fois pour toutes. Initiative ça pour marquer un gros virage dans la bataille contre Calversa. De ces résultats, plusieurs semaines de planification, avec discussion, avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti, avec le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, je dis, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence, pour le gouvernement, les outils et instruments nécessaires pour agir, pour prévenir et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y ait, même des populations dans les communes qui concernées pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a vint de temps en temps et gouvernement, de gouvernement seulement et à travers les réseaux officiels seulement. Dans un moment difficile, ça, il est important pour nous être jambes, unis et puis disciplinés. Collaboration avec engagement est important en pile pour nous traverser cette crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. À profiter de nous tout pendant ma saluer gros travail journaliste surtout dans les médias sociaux cap couvrir sous qui gens la police acclamé à protéger population m'a demandé éviter faire reportage cap bay bandi information sous position force Claudio à qui gens opération a déroulé quitte reportage en direct quitte li pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH à support force Kenya à force l'armée d'Haïti pour commencer petit à petit pas déploiement à coopération la zone que nous ciblons sous base plan que nous établissons. Objectif final là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang, caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, moi demander ministre justice là pour faire tout ça possible pour renforcer pressé système judiciaire moi pour ne pas continuer à avancer. Un système judiciaire fort sans force côté. Ah mais c'est pour tout dans n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit les États-Unis, mène égal devant la loi. Pour finir, nous allons lancer le jour qu'a venu là, une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen, vous sentir impliqué et responsable pour sécurité zone. Nous allons encourager l'opération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je vous dis, il n'est pas rapide. Moi, je vais mettre ça clair dans la tête. Exemple pays dans tout Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous, confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande tant à participation de toute société. Mais songez tout, nous m'avons toujours dit, Haïti n'est pas pays et Haïti n'est pas perdu la bataille. 1804, mariage la main indigène avec la population de banon indépendance. Mais 2024, ça, nous devons réaliser mariage force Claudio avec la population pour libérer Haïti en bas de toute qualité bandit qui a tout violé et puis appauvri malheureux et malheureux. Je voulais dire tout. Côté nous embarquer là, pas rien faire bac. C'est nous. Pas entrer dans le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous en main. Haïti libre cette nous, te bail à mourir vous pas seulement pour génération pas nous. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça et puis pour remettre les mains dans la main par l'autre génération qui a pénu. By petit et by petit petit. On va dire que l'objectif nous aujourd'hui est clair. Ce n'est pas seulement retourner au pays à Jean-Té quelques années avant, mais c'est démarrer une fois pour tout vers Haïti, ça, que nous tous nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstance qui a obligé un pays, demander l'autre pays aide, surtout dans les affaires crise humanitaire, dans la crise sécurité. Mais aucune génération n'a de sous-traiter Jean-Louis bâti caractère national, Jean-Louis mette campé dans l'état de jambe, cap bail service. Vous avez l'homme en pile, vous avez en pile pelé capitaine, en pile mauvais paroles, en pile fake news pour décourager nous pour laguer sur le réseau. Mais moi, je crois que grâce à la détermination, nous toutes, n'a pas réussi quand même. Ensemble, nous pourrons bâtir un Haïti qui est plus en sécurité, qui est plus juste et qui est plus prospère. Bon dernier petit parole pour vous dire. J'en ai dit ça déjà. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Créole valait, créole comprendre. Que grand mettre la bénie Haïti et puis guider-nous la mission NOBSA. Merci en plus. Gary Conny, Premier ministre d'Haïti. Le conseiller président du Conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vertiller, a rencontré le représentant résident du PNUD en Haïti. Chargé du chantier justice, sécurité et état de droit au Conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vertiller a rencontré le résident du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Xavier Michon, le mercredi 17 juillet 2024 à la Villa d'Accueil. la modernisation du secteur de la justice par la numérisation et la digitalisation intégrale du système, ainsi que sur la pérennisation de cette démarche, était au centre des discussions. L'ancien commissaire du gouvernement de la juridiction des CAI, maître Ronald Richemont, s'est présenté devant le cabinet d'instruction ce mercredi 17 juillet 2024 dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat du journaliste et animateur d'émissions politiques Yari Tess. Invité par le juge Jean-Michel Seyid, Ronald Richemont s'est fait accompagner de ses avocats et de ses partisans. Au milieu d'une bande de rara, l'ancien chef du parquet des CAI a fait savoir qu'il s'est présenté au cabinet d'instruction parce qu'il ne veut pas que l'affaire Yari Tess soit utilisée contre lui à des fins politiques. « Nous voulons que Yari Tess obtienne justice », a-t-il dit, avant de prendre le congé de ses partisans. Était également présent le directeur départemental du Sud de la PNH, Daniel Comper, ainsi que le journaliste Georges Valens. Ils ont répondu donc aux questions du juge d'instruction Jean-Michel Seyid. Nous écoutons à ce propos un son de la RPG. Moi, je suis répondu, je remercie par ma fête dans le plus grand cadre. Là, je suis sorti pour nous dans le même cadre en Balaré. Directeur, c'est toujours dans le cadre de ces assassinats journalistes Gaillard, qui est toujours dans le cabinet d'instruction? Toujours dans le cadre de ces. Qui ça qui tombe directement? C'est quand même tombé sur l'instruction qui fait. Mais comme vous dites, tout le monde dit instruction. Dans l'instruction, pas des mesures. C'est ça qui est l'instruction. C'est un coup jour on a filmé, là, on a déclamé notre action à filmer, qui s'allie. Et vous dites juste c'est en caméra. C'est ça, moi, j'ai besoin qu'on ait. Mais n'empêche pas autant de filmer une bonne information, ça. Où est l'élément après 8 jours? Où est l'élément après 22 jours? Moi, il y a que ça m'a partagé avec moi, qu'a fait dossier à Axel et Libéa. C'est dans le cadre de cette expérience que je connais. Et enquête à l'audit, on va nous dire là, une condition juste là, c'est que très amical, vraiment c'est bien. En vrai, pas du tout, c'est bon. C'est pas un attaque de poche, c'est pas ça. C'est juste une formation. Pour nous, on va trouver un attaque de poche. Nous, toujours disponibles, la plus de 6 ou 4, je vais utiliser ça à l'époque. Mais c'était juste sur les formations sur le travail. La radio, c'est que c'est bon, mais c'est pas très. Donc, pas du conseil, c'est le juge la carrière pour seulement la constitution qui est estimée, qui est important. Ça veut dire conseil, pas conseil. Nous ne croyons plus que ça vraiment utile parce que c'est le juge la seule qui les doit à poser question et pour appeler au mari bon de ça. Moi-même, bonsoir, juriste, vous respectez la loi, vous pariez pour faire obstruction à la justice. Donc, depuis la justice, nous, on a plat. Donc, mais ça qui fait nous mal et puis même désolé. Après 5 ans de service, de sacrifice, nous pas dormi, la population qui a dormi, la bataille contre les bandits, la bataille contre les drogues. Et je dis à politiciens, gratte calé, remettre tout ça. Donc nous-mêmes, nous ne pas voulons que ils utilisent pour nos synthèses garées politiquement contre nous. C'est ça qui fait nous présents dans le cabinet de justice parce que nous voulons tête garée jouer du système. Donc il faut que suspend battre. Ça paye la pour le battre pour ici. Donc nous là, n'importe le que cabinet de justice. Nous là, nous la population, on a desservi la population et on a continué de desservir la population. Comme il faut que nous disons déjà, nous ne pas quitter des détracteurs, utiliser le dossier Tess Garia pour détruire le monde. Pour détruire le monde. Donc, nous qui perdit le monopole, le département sud là. Nous qui n'ont pas déjà. Nous qui ont des bandits affiliés avec nous. Donc nous-mêmes, nous faisons 5 ans à bataille contre bandits. Bandits à sapat, bandits à capat. Nous faisons 5 ans à bataille contre 10 les droits. Jeudi, ils ont levé contre nous, ils ont mis des dossiers, Tess Garia sous dos. Et ça fait que nous présents dans le cabinet de succion pour répondre à la question juste parce que faut que Tess Garia joue une justice. Le Conseil national des télécommunications, le CONATEL, informe dans un communiqué avoir octroyé une licence d'une durée de 5 ans à la National Communication, NACCOM, pour la fourniture de services de télévision par protocole Internet, IPTV, sur l'ensemble du territoire national. Cette licence, déjà prévue dans sa concession à date du 22 juillet 2020, permettra à cet opérateur d'étendre son offre de services en introduisant des services de télévision par protocole Internet offrant ainsi une expérience de télévision numérique enrichie et diversifiée à la population haïtienne, selon le Conatel. L'un des fournisseurs de téléphonie cellulaire, le Natcom, opère sur le marché depuis 14 ans. Plusieurs employés de la Loterie nationale d'Haïti ont dénoncé la politique de l'institution et demandent au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement du Dr Gary Conny de décider de nommer un technicien pour diriger la loterie dans les changements annoncés. Nous écoutons un son de la RTG. Ça fait trop de temps que LEH campagne partage gâteau et cap dirigé par politicien seulement. C'est notre objectif ça que nous-mêmes employés Loterie de l'État haïtien. Après nous tant de bruit que c'est un monde qui a venu comme directeur et qui déjà novice dans le système, qui prend la cause, nous avons commencé à chaque fois, à tout ça nous avons commencé à construire, nous dit non, ça ne va pas faire. Nous avons fait nous connaître que l'autre, c'est la troisième institution qui a fourni l'État l'argent, moyennant que LEH a joint tout encadrement qu'il a besoin, la capable de contribuer dans le trésor public, l'argent, ça a été fait avant. LEH, c'est boîte l'État, donc c'est pour nous toutes jeunes qui ont des potentialités qui travaillent là-dedans. Ils n'ont pas qu'à utiliser pour politiser sous prétexte politique, pour séparer le tranche par tranche. Il faut que ces techniciens qui comptent ces secteurs jouent hasard, qui peuvent gérer le système. Ça, ça qui cause le plus gros problème, LEH, c'est les gens qui prennent le vignes, qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour faire boîte la marché. Il n'y a pas d'intérêt dans LEH, donc il n'y a pas souci de bonne manche institution. Nous ne pouvons pas parachuter les gens dans le secteur de l'ASA parce que l'institution a trois caractéristiques pâles. LEH souffre déjà assez sur ça. Les employés ont souffert de changements si vite parce que les dirigeants viennent, c'est redevance politique qui viennent gérer. Nous avons rappelé PM à toutes ces CPA pour ne pas oublier l'engagement qu'ils ont pris envers la population. Non pas parce qu'ils ont promettre qu'ils n'ont pas manquer. Administration publique là, tant pour direction générale. Causez retirer femme, mettez pas en fait, passe tout à gauche à droite pour venir diriger dans l'intérêt, ça doit finir. Nous-mêmes, employés LEH, nous engagons sous promesse ça. Faut que ça se stand. ANPB, c'est une des principales handicaps pour l'autre. Nous pas qu'à ajouter l'autre problème sous lien fort. Dans ce sens, nous exigeons à tout gouvernement pour prendre responsabilité pour toute institution PIA. Fonctionner Jean la loi mandé. C'est le monde qui est capable, qui doit engager l'État parce que en dehors de LEH, nous avons assez de ressources et qui a une potentialité pour faire l'autre à marcher comme ça doit. La Conférence nationale des vaudouisants haïtiens annonce avoir choisi Maître Newton Louis Saint-Just pour représenter le secteur vaudou au Conseil électoral provisoire après que le Conseil présidentiel de transition a adressé une correspondance demandant que toutes les organisations vaudou unissent leurs forces pour désigner une personne pour représenter le secteur au sein du Conseil électoral. Un son de la RTG. Nos correspondances qui sont adressées avec l'ANDA, Wambodou d'Haïti, Zantraï avec Ajav, et m'a rappelé que pour l'ANDA, c'est grand serviteur Joseph Richard, qui c'est grand serviteur qui était sur la correspondance. Pour Zantraï, c'est toute organisation de l'INE. Alcenazam au Boutato et au Bouni Jean-Baptiste. Et pour Ajav, c'était Ruben Stelemac. Et que pour Wambodou, c'est Wassenpilke, que nous tous connaissons. L'État haïtien, la présidence demandait pour nous mettre tous nous ensemble pour nous choisir un seul monde qui est capable vraiment venir conseiller électoral. Dans ce système, ça, nous sommes chita avec toute organisation vaudou. Nous avons plus de 300 organisations vaudou à travers tout le pays. Et que nous discutons, nous faisons choix, nous discutons, nous parlons. Il y a 4 prétendus candidats pour aller dans le CPTA. Nous avons des capacités, nous avons des pièces que l'État exige et que nous sommes tombés dans la question de l'élection. Et les élections qui ont été réalisées, c'était deux mounes sous table. C'est même Newton Louis Saint-Just avec son nom Gaël Adélie. Et dans le choix que Kalimbe a fait, et Kalimbe a tombé sous le nom même Newton lui, c'est injuste. KNDA a choisi lui pour compétence lui, capacité lui, intégrité lui. Et après, après que M. Newton, c'est un avocat de formation, c'est un rougan, souvent, c'est un empereur, c'est un franc-maçon, son professeur. Et nous, avec l'État, nous avons plus de capacité pour lui représenter le secteur au droit. Et puisque vraiment loi cadre que cet État est exigeant, nous avons que, frère, nous, mais Newton répond avec exigence. Peut-être ça, nous choisissons M. Newton, lui, c'est juste. Et là, vous rappelez nous tout, l'autre organisation qui était informée, qui était bien. Directeur dans le choix, c'est pour Royaume Vaudou d'Haïti avec Roi Saint-Cloud, c'est pour Zentraï avec Liné Nelson, qui est secrétaire général, et puis Alcena Zamor, qui est l'invitateur, qui est président, et Ogounou Jean-Baptiste, qui sont gros morceaux en 2021. Ils ont même tout avec Ajab, ils ont même tout choisi un seul nom ensemble avec nous, qui c'est Maître Newton Louis Saint-Just. À l'occasion de la commémoration du 37e anniversaire du massacre des paysans de Jean Rabel, le comité exécutif de l'organisation Tête Colletti Paysan Haïtien, TECA, réclame justice et réparation pour les victimes. Marie-Louis Pierre, secrétaire de l'organisation, était au micro de la presse. Tête Colletti Paysan a fait une conférence pour rappeler le gros massacre qui a été organisé sur paysan Jean Rabel, Port de Paix, Beauchamp, dans la date 23 juillet 1987 là. Et massacre ça a été arrivé fait par rapport à forme d'élite paysan dans le bas d'ordre de l'Ouest mené en face du groupe répressaire, en face communauté internationale là, en face tout grand don qui a évolué dans l'époque ça. Sous l'ordre ambassade États-Unis et Familika, l'armée Makoute là, grand don dans Jean Rabel, à toute l'autre acolytion, qui est arrivé massacré 139 paysans Jean Rabel, pour être revendiqué. Glow pour le travail, bonjour qualité de terre, qui est grand don, accaparé tout le terre, paysans qui gagnent un code d'ombre pour marier à terre, pas de terre pour le travail. Je t'ai demandé bonne qualité justice, je t'ai demandé l'école. Et yo t'a pionné tout, yo réforme agraire intégrale cap faciliter yo répondre travailler pour répondre à besoin famille. C'est pour toute cause ça yo ensemble moun nous société là yo organiser massacre ça sous paysan. Massacre ça pas un massacre qui était isolé, il pas traité sans conséquence sous pays là parce que forme d'élite et paysan t'a mené dans zone et nord-ouest là qui reflété sous tout département géographique du pays. Et c'est peut-être ça, ensemble, nous avons organisé massacre ça pour casser l'élan mobilisation paysanne à l'époque. 37 ans après, massacre Jean Rabel, la situation n'a pas changé. Ensemble, problème paysan, qui est campé, qui a fait résistance, qui a demandé qu'il change l'État, parce que le mode de l'État qui est gagné, c'est pour l'État qui est en faveur majorité, mais c'est l'État qui travaille dans l'intérêt d'un petit clic moun qui a un monopole économique, monopole politique, pays à la main. Marie-Louis Pierre, secrétaire de Tête Colletti Paysan. Les membres intersyndicales 1er mai Bataille Ouvrier, ESPMBO, dénoncent les conséquences de l'insécurité sur les usines en Haïti. Mackenzie Cadet, coordonnateur général, s'exprime au micro de la presse. Objectif conférence A, c'est pour nous faire un état des situations difficiles ouvriers qui n'ont trois plus gros parcs industriels, yo ou soit zone franche dans le pays a, qui passe suspendre dégradé chaque jour. Nous-mêmes ouvriers, ouvrières dans le parc industriel, nous avons monté un masque de pado dans l'insécurité généralisée que nous connaissons. Ça qui la cause en pile usine fermée porte après au fin fait une bonne réduction personnelle en suspension temporaire côté quinzaine yo c'est yo réduit à 5 6 ou 7 jours de travail. Ça veut dire salaire nous baisser et puis responsable usine yo violer contrat travail nous qui posé durée travail nous qui c'est 6 jours par semaine. Dans ça qui fermée porte gen an pil nan yo ki pa menm veye ouvriye ouvriyez yo prestasyon legal yo. Nan Kodevi, te gen plis ke 23,000 ouvriye ki tap travay. Gen plis pase 4,000 ki deja ale la kayo ki pedi job yo. Se yon tablo ki som an pil nan sekte tekstil la ki redwi a mwens ke 24,000 ouvriye pou mouman na pale ya la. E nou konen sekte sa, li te gen plis pase 60,000 ouvriye ki tap travay dan le tan. Tout sa, se rezultat insekirite generalize ya, insekirite generalize d'Etat, ak mouve desisyon ekonomik gouvenman yo pran ki pa kreye kwasans ni emploi, ni bienèt pou mas pepla. Fas ak realite sa, nou menm ouvriye ak ouvriyez pak industriel yo nap mande pou gouvenman transisyon an, pran tout disposisyon pou kreye kondisyon pou izin yo pou ferme van izin kap ferme yo. Pou gen bon jan investisman kap permet kreasyon emploi dirab nan peyi ya. Nap exije yon vre augmentation salè pou tout kategori travaye. Nan san sa, nou menm organizasyon ouvriye yo ki nan vwa pi go pak industriel peyi ya. Nap leve vwa nou pou atire atansyon nouvel ekip gouvenman ki la sou situasyon nou ye ya. E pi nap gen pou nou prezante yo formelman kaye revendikasyon nou an. Nap di ouvriye ak ouvriyez yo nan tout pak industriel yo, batay la dwe relanse. Nou dwe relanse, nou dwe recentre balon mobilizasyon an pou nou pa kontinye pedi emploi nan peyi ya. Pou gen pi bon kondisyon travay pou ke nou jwenn avantaj sosyal ke de organ de sekirite sosyal peyi ya ou nan ak ou Fatma. Pou nou fini, nap di, vivyon relans ekonomik pou kreye emploi nan peyi ya, aba insekirite planifiye ki mette nou nan situasyon nou e la, aba salè poitrine 685 goud la, vivyon salè vital pou tout ouvriye ak travaye nan yon bon jan sistèm proteksyon sosyal nan peyi ya. Merci d'avoir suivi cette édition de Regard. Nous nous voyons demain pour une autre édition, toujours à 20h sur la même station, la CPAM. Passez une bonne soirée. CEPAM, au service de la collectivité montréalaise en général et de la société haïtienne en particulier, se fait le devoir de rappeler à tous que sa source d'inspiration au quotidien, c'est d'abord et avant tout ses fidèles auditeurs, que c'est pour ça que nous aspirons à être votre tout détente, image, information et prospérité, mais aussi conseil. Construisons ensemble aujourd'hui même la richesse à partager. Et c'est en ce sens que nous vous disons que le premier pas consiste à consommer les produits et services annoncés à CEPAM pour consolider le pouvoir de votre radio. Notre force, votre indéfectible solidarité, votre dynamisme à toute épreuve. CEPAM, c'est pas nous toutes. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101. 514-723-6101. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. raison. Est-ce que l'amour c'est un mystère que ma jambe qu'a baissé? Où va les fois nous qui commencé et puis t'as gâté? Moi pas mal comprendre tant calculer bagaille avant m'avancer et malgré ça moi toujours frappé danger. what I'm about to sing. To say that hope is our thing. We know how blood is on your hands. While you're confused, for still we stand. They made us blind, yet we can see how paradise they made us flee. This land of sun, this land of sea, where lies my soul, my destiny. Fait la go avec vos lèvres. téléphone ménage moi a sonné, téléphone a sonné. Cherchez bien contrôle notification qu'a fait monter.